Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 117. De ce qui concerne l'action de l'homme dans le gouvernement divin. Puissance de l'homme sur l'intelligence d'un autre homme. Puissance de l'âme sur la matière. Puissance de l'âme après la mort. 1. Un homme peut-il en enseigner un autre? Saint Paul dit, « C'est pour enseigner que j'ai été établi prédicateur et apôtre, docteur des nations dans la foi et la vérité. » 1 Timothée 2, 7. Donc un homme peut en enseigner un autre. On peut comparer l'acquisition de la science dans l'intelligence à l'acquisition de la santé dans le corps. Un homme recouvre quelquefois la santé par l'art du médecin, et quelquefois par les seules forces de la nature, qui décomposent, maîtrisent ou repoussent la matière d'où provient la maladie. Les médecins, on le juge bien, ne font que seconder la nature, en lui fournissant les instruments et les secours dont elle a besoin pour obtenir l'effet désiré. Leur art opère, non pas comme agent principal, mais comme auxiliaire d'un agent principal, qui est la nature elle-même. Il en est ainsi dans les sciences. Elles s'acquièrent, tantôt au moyen du seul principe intellectuel, comme on le voit par celui qui les découvre, tantôt par un secours extérieur, comme cela a lieu dans celui qui les apprend. Il y a, effectivement, chez chacun de nous, un intellect agent par lequel nous connaissons naturellement et de prime abord certains principes universels, qui sont la base de toutes les sciences. Quelqu'un les applique-t-il à des choses particulières dont les sens lui apportent le souvenir ou l'impression? Il acquiert par lui-même la science de ce qu'il ignorait, allant du connu à l'inconnu. Le maître s'appuie aussi sur les choses que son disciple connaît déjà pour le conduire à la science de celle qu'il ignore, suivant cette parole du philosophe, « Toute doctrine ou toute science vient d'une notion antérieure. » Or, pour faire passer son disciple du connu à l'inconnu, il se sert d'un double moyen. D'abord, il fournit à son intelligence les secours et les instruments dont elle doit se servir pour s'approprier une science. Il lui offre, par exemple, des propositions particulières faciles à entendre, des exemples sensibles, des comparaisons, des contrastes, et l'amène ainsi à saisir ce qu'elle ne comprenait pas. Il fortifie ensuite l'intelligence même de son élève, non à la manière d'une nature supérieure, mais en lui faisant sentir le rapport des principes aux conclusions, car il peut arriver que l'esprit du disciple, abandonné à lui-même, n'ait pas la force suffisante pour tirer les conséquences de leurs principes. Voilà d'où vient que le philosophe appelait la démonstration un syllogisme qui fait savoir. Cette explication nous montre qu'un homme peut enseigner un autre, et par quelle méthode celui qui enseigne rend son auditeur savant. Note. L'homme qui enseigne ne fournit qu'un secours extérieur, comme le médecin qui guérit. De même que la nature intérieure est la cause principale de la guérison, la lumière intérieure de l'intelligence est la principale cause de la science. Le maître excite seulement le disciple à se former des conceptions claires par la force de son intelligence propre. Fin de la note. 2. Les hommes peuvent-ils enseigner les anges? Les anges inférieurs, comme nous l'avons vu, parlent aux anges supérieurs pour leur manifester leurs pensées, quoiqu'ils ne les éclairent pas sur les choses divines. Pareillement, comme les hommes, suivant cette parole, parmi les enfants des hommes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste, mais celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. sont toujours subordonnés au dernier des anges de la même manière que ceux-ci le sont aux anges supérieurs, ils n'éclairent jamais ces esprits célestes sur les choses divines, quoiqu'ils puissent leur manifester leurs pensées par une sorte de parole. Note. Lorsque les mystères du Christ et de l'Église s'accomplissaient par le ministère des apôtres, les anges connurent des vérités qu'ils ignoraient. Il en résulte seulement qu'ils découvrent les mystères divins, non seulement en Dieu même, mais encore lorsque la pensée divine se réalise et se manifeste au dehors. Fin de la note. 3. L'homme peut-il transformer la matière corporelle par la puissance de son âme? La matière corporelle ne peut être changée, quant à sa forme, que par un agent composé de matière et de forme, ou par Dieu même. Les anges n'ont la puissance naturelle de la transformer qu'en appliquant des agents corporels aux effets qu'ils veulent produire, à plus forte raison, l'âme humaine ne le peut-elle pas sans l'intermédiaire de certains corps. Pour modifier les corps étrangers, ces perceptions ne suffisent pas, si elles ne sont point accompagnées d'une modification quelconque produite par elle-même sur son propre corps. Note. Quand les saints font des miracles qui transforment la matière corporelle, ils les font, non par la puissance de leur âme, mais par la puissance de la grâce. La fascination qui s'exerce par les yeux ne prouve pas que la matière corporelle obéit à l'âme d'une manière absolue, elle s'explique par l'action d'une imagination puissante dont l'effet est de modifier les esprits vitaux du corps. Modification qui se produit surtout dans les yeux où se portent les esprits les plus subtils. Les yeux, à leur tour, imprègnent l'air jusqu'à une certaine distance, de manière à agir sur les êtres faibles. La malignité des démons peut aussi coopérer à de tels effets avec la permission de Dieu, et, dans quelque sortilège, par suite d'un pacte secret. Fin de la note. 4. L'âme humaine, après la mort, peut-elle encore mouvoir les corps? Il est certain que l'âme, après la mort, ne peut, par sa vertu naturelle, mouvoir aucun corps. La preuve de cela, c'est que, sur la terre, elle ne meut que celui dont elle est la vie. Aussi, quand un membre est mort, il ne lui obéit plus pour le mouvement local. Après la mort, elle ne vivifie aucun corps. Aucun corps ne doit donc lui obéir quant au mouvement local. Dieu, toutefois, peut lui accorder un pouvoir qui dépasse sa vertu naturelle. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.